Metal Express avec Eric. Fans de métal, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver donc comme chaque lundi à la même heure, 19h-21h, j'espère que vous êtes bien calés dans votre fauteuil, c'est parti pour 2 heures, et ce soir encore il va y avoir pas mal de choses, voire pas mal de nouveautés. Je vous rappelle donc que vous nous écoutez sur Radio Heavy Metal et ça je vous en remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et c'est grâce à vous si Radio Heavy Metal est toujours debout. Et puis nous avons nos applications bien sûr, Apple Store et Google Play pour télécharger ça sur votre téléphone ou bien sur votre tablette. Et puis vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Il y a également la page officielle de Radio Heavy Metal que je vous donne. C'est https://radioheavymetal.site. Donc vous pouvez nous contacter sur ce lien ou bien vous passez par la page Facebook de Radio Heavy Metal. Et il y a également celle du Metal Express pour ma part. Voilà. Nous avons des partenariats radio, il y a Radio Fréquenzik, Indie Spirits et Canal Fuzz Radio. Allez, on va commencer donc le Metal Express avec White Highway, ça s'appelle Hanover. Allez, bonne écoute! If you wanna treat me right, show me then you- morceau donc s'appelle Another et puis le groupe s'appelait White Highway et c'est tiré donc d'un EP qui s'intitule City Lights. Voici maintenant Black Juju Inc. avec le morceau Love. Bonne écoute! Ils sont français, donc Cocorico, le groupe s'appelle Black Juju Inc. Ce morceau qu'on a écouté s'appelle Love. Et c'est du très bon metal alternatif, donc l'album s'appelle Cross and the Crossroads. Et c'est sorti le 21 septembre 2018. Allez, voici maintenant les Britanniques de Tokyo Blade. Et le morceau qu'on écoute s'appelle Bullet Man of Stone. We'll be right back. Les chanteurs ont virevolté chez les Tokyo Blade depuis leur début. Alan Marsh, présent les deux premiers albums du groupe, est de retour 34 ans après avoir laissé sa famille musicale. Donc ce nouvel album intitulé Unbroken est excellent. Un groupe qu'on aime ou on n'aime pas, moi, écoutez, j'adore. Voici Upfire et le morceau s'intitule Not Coming Home. Voilà, donc le groupe s'appelle Upfire avec le morceau Not Coming Home. Voici maintenant Dirge avec un morceau qui s'intitule Corpse of Cortez. We'll be right back. Ce groupe s'appelle Dirge et le morceau qu'on vient d'écouter à l'instant s'appelle Corpse of Cortez. Allez, voici des Normands, ils s'appellent Ardelix, c'est excellent, vous allez voir, ça porte le nom du groupe Ardelix. Ardelix, avec ce morceau Ardelix. Ils viennent de sortir leur EP il y a quelques mois, donc il est excellent, je vous le recommande. Ils ont une page Facebook, n'hésitez pas à aller y jeter un œil, vous allez voir, il y a pas mal de choses, notamment il y a les t-shirts, badges, et puis ces fameux EP. Je cherchais le nom. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil sur leur page Facebook, ils s'appellent Ardelix. Allez, voici maintenant Dee Snider et ce morceau qu'on va écouter s'appelle Mask. Bonne écoute! Bleeding smiles, we move Voilà, donc c'était Dee Snider avec Mask. En attendant, voici un groupe qui s'appelle Lone Wolf Corp. Et c'est une nouveauté, donc, ce morceau qui va être extrait donc, d'un futur album intitulé Seven. Et ce morceau s'appelle Halloween White The Werewolves. Je vais le redire tout à l'heure car là, c'est un bordel pas possible. Le groupe Lone Wolf Corp, donc, ils ont une page Facebook, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, ils seront d'ailleurs en concert le 30 octobre à Honfleur, donc n'hésitez pas. Allez sur leur page Facebook surtout. Allez, voici maintenant Broken Testimony, et ça s'appelle Medusa. Bonne écoute dans le Metal Express, c'est Eric avec vous, donc jusqu'à 21h. Thank you. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, ce groupe s'appelle Diamond Head et le morceau Bones. Fondé en 1976, le groupe Diamond Head avec le morceau Bones. Ce morceau d'ailleurs qui est extrait de l'album Diamond Head qui est sorti en 2016. Allez, voici maintenant Judas Priest avec Evil Never Dies. Georgia, his mission's still the same. The world's become his oyster once again. trying to break free. I feel I'm being smothered, trapped by this entity. Blackened clouds around me, filling me with dread. I can't escape the horror with the devil in my head. He relishes the suffering, can't stand this heart attack. My life's been taken hostage, and it's never coming back. Firepower est le 18e album studio donc du groupe de heavy metal britannique Judas Priest. L'album est publié le 9 mars 2018. Il sera suivi d'une tournée en concert aux États-Unis, Canada ainsi qu'en Europe. Allez, ce morceau s'appelait puis également, pardon, Evil Never Dies. Tout de suite, voici Gathering Darkness. Et ce morceau s'intitule We Fall. Bonne écoute! We'll be right back. Voilà, donc ils nous viennent de la ville de Santander. Le groupe s'appelle Catering Darkness avec le morceau We Fall. Tout de suite, voici Blaze Bailey. Ça s'appelle Human. Donc dans le Metal Express, monsieur Blaze Bailey avec Human. Allez, voici maintenant un groupe qui s'appelle ABSS et le morceau qu'on va écouter s'appelle Open the Gates. C'est une reprise donc de Mania Road, un morceau que je vais dédier à Jeff. We'll be right back. Abysses avec Open the Gates, une reprise donc de Minia Road. Tout de suite, voici Night Crowned avec Nocturnal Pulse. Night Crowned avec le morceau Nocturnal Pulse. Allez, maintenant, j'annonce que samedi, le 13 octobre, donc à l'arcade de Notre-Dame de Gravenchon dans le 76, à partir de 19h30, il y aura les Dirty Dogs, notamment avec les Bloody Roses, et puis Cover Slave, donc Iron Maiden. Que du bon, donc il faut y aller absolument. Si vous êtes dans le 76, donc moi, pour ma part, j'y serai. Eh bien, on va s'écouter les Dirty Dogs. Ça s'appelle Wells on Fire. Bonne écoute. Et vous allez voir que ça ressemble à du AC/DC, du très bon rock and roll. Rappelle donc le meilleur d'Iron Maiden, DC à l'arcade par Cover Slave et Bloody Roses le samedi 13 octobre en ouverture, donc Dirty Dogs qu'on vient d'écouter à l'instant pour une soirée qui s'annonce déjà exceptionnelle. Donc ce sera samedi, donc à l'arcade de Notre-Dame de Gravenchon dans le 76. Allez, voici Falcon et le morceau s'appelle Child of Prophecy. Le groupe s'appelle Falcon et le morceau Child of Prophecy. Voici tout de suite Frito et le morceau Mission suivi de Powerwolf avec Fist by Fist. Un groupe de métal ? T'aimerais qu'il soit diffusé ? Pour ça, contact Radio Heavy Metal sur Facebook. Powerwolf, donc, à l'instant, avec Fist by Fist. Donc, je rappelle que vous êtes sur Radio Heavy Metal, et puis que nous avons également des radios partenariales. Il y a Radio Fréquence, Zikin des Spirits et Canal Fuzz Radio. Vous êtes donc dans le Metal Express, c'est Eric avec vous, donc, pour vous accompagner jusqu'à 21h. Allez, voici tout de suite Perfect Line. Le morceau s'intitule Bad Boy. Le groupe s'appelle Perfect Line, le morceau qu'on vient d'écouter, Bad Boys. Il nous reste 30 minutes, voici Oz, et puis le morceau, non je dis une grosse bêtise d'ailleurs, le groupe s'appelle Trash, et le morceau s'appelle No More Rock Tonight. Tonight. le groupe Trash avec No More Rock Tonight. Tout de suite, voici Psychopaths et le morceau qu'on va écouter, The Real Outcast. Salut, nous sommes Assassins de l'Allemagne et vous écoutez un Metal Express de Radio Heavy Metal 100% Metal. Domenai et ce morceau instrumental s'appelle Inferno. Voici maintenant Six Feet Under et ce morceau s'appelle Midnight in Hell. Barbaric body is a shell of life, it was dreamed of. There was no ending in sight. Forever, this midnight, protect me from the unknown. Protect me from this pain on. I'll repeat, beg forgiveness. Please make the end of night painless. Your death of meaning makes me. Avec Midnight in Hell à l'instant, donc dans le Metal Express. Allez, voici maintenant un groupe français. Ils sont de Niort, également de Toulouse, un peu de Fontenay-le-Comte. Le groupe s'appelle Helix. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Vent de Liberté. Et puis, ils ont sorti donc ce fameux EP en 2017. We'll be right back. Je vous rappelle que ce groupe est français, il s'appelle Helix, Vent de Liberté, donc ce morceau, c'est du très bon rock, metal et du son électro, franchement c'est excellent, c'est un EP qui est sorti en 2017. Voici Starwell avec un morceau intitulé In Flames. Le groupe s'appelle Starwells et le morceau qu'on a écouté s'appelle In Flames. Face of Death, et ce morceau qu'on a écouté s'appelle le New Age. Alors que voici Saxon, et ce morceau s'intitule Predator. Senses, God-like. Et oui, il est déjà l'heure pour moi de rendre l'antenne. Donc, je vous rappelle, on se retrouve lundi prochain, nous, c'est-à-dire lundi 19h-21h. Le podcast donc de l'émission, c'est demain. Demain matin, voire demain soir. N'oubliez pas que à partir de vendredi, il y aura maintenant les chroniques métal de GG à partir de 19h. Et puis très bientôt, il y aura Céline qui nous rejoindra pour son émission donc Rock and Girls. L'émission donc sera rediffusée mercredi sur Fréquence Zik à partir de 22h à minuit, également dimanche de 21h à 23h et puis demain sur Radio Canal Fuzz Radio à partir de 20h jusqu'à 22h. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre donc sur Facebook, Twitter et Instagram. Et n'oubliez pas que nous avons la page officielle que je vous donne. C'est https://radiohevymetal.site. Donc si vous avez envie de nous écrire, vous n'hésitez pas. Allez, moi je vous souhaite une très bonne soirée. À lundi prochain. Allez, ciao !